C'est une tribune qui a fait grand bruit en plein cœur de la torpeur estivale, publiée mi-juillet dans plusieurs titres de la presse francophone. La tribune No Fake Science, signée par 250 chercheurs à l'époque, il y en a plus aujourd'hui, et vulgarisateurs scientifiques qui dénonçaient le mauvais traitement de l'actualité scientifique dans les médias généralistes, leur reprochant sensationnalisme et biais idéologique. La réponse ne se fit pas attendre, la tribune se faisant vertement critiquer pour avoir émis des opinions jugées dogmatiques sur des sujets comme le glyphosate, les OGM ou le nucléaire. Que tirer de cette controverse? La science est-elle maltraitée en France par les médias? Science et médias, un dialogue de sourds, c'est le programme apaisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, apaisé parce qu'à en juger les réseaux sociaux à l'annonce de cette émission, le débat est encore relativement éruptif. Mais pour réfléchir ensemble calmement donc au traitement médiatique de l'information scientifique dans l'apaisement et la bonne humeur, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux, Estelle Dumas-Mallet. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes chercheuse associée au Centre Émile Durkheim. Jacques Hennen, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien rédacteur en chef du Parisien aujourd'hui en France, enseignant à l'école de journalisme l'ESJ à Paris. Et Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur de la chaîne Un Monde Riant sur YouTube et co-rédacteur de la tribune No Fake Science. Mais avant de plonger dans ce débat passionné et évidemment passionnant, on va vulgariser tout de suite toute l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal des sciences avec une nouvelle surprise liée à l'homme de Denisova. Hier, dans la revue Science Advance, la morphologie de sa phalange est plus proche de l'homme moderne que de Néandertal. C'est la première fois qu'on a une étude qui croise des données génétiques et des données morphologiques de l'homme de Denisova. Pour rappel, on ne sait pas grand-chose de lui. On a découvert cette troisième espèce du genre Homo en 2010, en Sibérie, dans les grottes de Denisova, grâce à l'analyse ADN d'une minuscule phalange vieille de 41 000 années. Depuis, on a trouvé quelques dents et une mandibule. Les archives paléanthropologiques sont très pauvres. Et dans cette étude, la phalange a été complétée et étudiée dans son intégralité. Son ADN étant proche de celui de l'homme de Néandertal, les paléanthropologues s'attendaient à trouver des similitudes morphologiques. Surprise, les mains de l'homme de Denisova sont proches, plus proches de celles de l'Homo sapiens. Moins épaisse, plus fine, plus moderne. C'est d'autant plus surprenant que la mâchoire présente, elle, des caractéristiques plus archaïques. Isabelle Crèvecoeur est paléanthropologue au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Elle a participé à cette étude. C'est une certitude qu'au niveau génétique, ils sont plus proches de leur ancêtre commun et plus proches que le nôtre, que celui que nous partageons avec Denisova et avec Néandertal. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça montre juste qu'on a une adaptation du squelette infracrânien à certains types d'environnement, d'activité, etc., qui va se marquer sur les néandertaliens et qui va les différencier, si vous voulez, au niveau, en tout cas, des ossements des mains, de cette population. C'est-à-dire que même s'ils ont un ADN plus proche, ils vont présenter des caractéristiques morphologiques différentes. Et donc ça, c'est juste la toute petite fenêtre de cette phalange qui nous permet de dire ça, et donc qui ouvre la voie à la difficulté peut-être d'identifier sur le terrain ou de distinguer sur le terrain des restes néandertaliens et des restes dénisoviens, puisqu'on peut imaginer une mosaïque morphologique qui n'est pas similaire à celle des néandertaliens. On passe au bref du jour. Une équipe internationale a fait la découverte d'un nouveau type d'onde électromagnétique, l'onde de surface Diakonos-Voigt. Cette équipe a fait cette découverte en analysant l'interaction de la lumière avec certains cristaux naturels ou artificiels et en s'appuyant sur les modèles d'équations de Maxwell. L'onde ne se déplace que dans une seule direction et décroît à mesure qu'elle s'éloigne de l'interface. Ces propriétés uniques sont décrites dans la revue Proceeding of the Royal Society. Dans notre compréhension de la lumière et de son interaction avec des matériaux complexes, c'est un pas en avant. C'est aussi l'espoir de nouveaux progrès technologiques, notamment pour le développement de circuits à fibre optique plus efficaces. Lundi, un satellite d'observation de l'ESA, l'agence spatiale européenne, a frôlé le crash avec l'un des satellites Starlink de SpaceX. En urgence, l'ESA a fait une manœuvre d'évitement. C'est la première fois que l'agence spatiale européenne modifie la trajectoire d'un de ses satellites pour lui éviter un impact avec un autre. SpaceX, la société d'Elon Musk, a reconnu hier avoir eu un bug de communication. Avec en plus son projet d'envoyer 12 000 satellites, la gestion d'un trafic spatial saturé interroge les astronautes. Et grâce à une étude parue mardi dans la revue eLife, on comprend enfin pourquoi les oies à tête barrée peuvent voler jusqu'au sommet de l'Everest. Ces oiseaux volent à 9 km au-dessus de la Terre, à une altitude où le niveau d'oxygène est divisé par 2, voire par 3, par rapport au niveau de la mer. Comment maintiennent-ils le vol dans des conditions hypoxiques ? Les physiologistes et les astronautes de la NASA viennent d'éclairer ce grand mystère biologique. Ils ont entraîné des oies à voler dans une soufflerie en portant des capteurs physiologiques et des masques qui simulent différentes teneurs en oxygène. On observe que lorsque l'oxygène se raréfie, le métabolisme de l'oiseau ralentit, sa fréquence cardiaque diminue et son sang se refroidit. Sous des températures froides, l'hémoglobine lie l'oxygène plus étroitement. Cela veut dire que simultanément, le sang transporte plus d'oxygène et que les oiseaux brûlent moins de calories. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour un journal des sciences avec une nouvelle petite rubrique de journal de la science-fiction. C'est Journal des sciences et tous les autres ceux de la semaine, vous pouvez les retrouver bien entendu sur le site de franceculture.fr ainsi qu'en podcast et en complément comme l'émission que nous allons dérouler à partir de maintenant en vous abonnant à notre fil @laméthodefc. C'était donc le débat qui a agité la sphère médiatico-scientifique au cœur de l'été, la tribune No Fake Science publiée mi-juillet dans plusieurs titres de la presse francophone, L'Opinion en France, le site de la Libre Belgique, Le Soleil au Canada et ID News en Suisse, une tribune au ton peu amène avec la presse généraliste, dénonçant pêle-mêle biais idéologiques, goût du sensationnalisme et appelant à une redéfinition de la place de l'information scientifique dans les médias. Alors je tiens ici même, pour que les choses soient très claires et pour commencer, à préciser qu'il n'est pas question de faire le procès de qui que ce soit au cours de cette émission ou de dénoncer les pratiques d'une telle ou d'un tel nommément, mais de réfléchir ensemble aux raisons qui ont conduit donc à l'origine 250 personnes, je crois qu'il y en a beaucoup plus maintenant, plusieurs milliers, aussi bien scientifiques, vulgarisatrices et vulgarisateurs à publier ce texte et plus généralement à la place et au traitement de l'actualité scientifique dans les médias généralistes. Ceci étant précisé, l'un des points de départ de toute cette affaire, eh bien, il suffit pour en juger de voir le remue-ménage que cela avait créé sur les réseaux sociaux. C'est un numéro d'envoyé spécial consacré au glyphosate diffusé le 17 janvier dernier. Je vous propose d'écouter l'un des extraits de cette émission qui a suscité de nombreuses critiques. Alors vous allez le voir, en fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir accepté de faire notre fameux glyphotest. Une quinzaine de personnalités ont aussi accepté de le faire. Parmi elles, il y a Jamel Debbouze, Laure Manaudou, Michel Drucker, Julie Gayet, Lilian Thuram, Thierry Lhermitte et moi-même d'ailleurs. Et comme pour vous, bah, c'est moi qui suis allée leur annoncer les résultats. Là, on en a tous dans l'organisme. Et vous, Lilian, vous êtes ici. Ah ouais, quand même. 0,68. Comme je suis quelqu'un qui fait assez attention à ce qu'il mange et tout, j'étais persuadé de, ben, d'être à zéro. Je suis d'une naïveté totale. Très franchement, pour vous rassurer, Jamel, on en a tous. Non mais ça, c'est pas rassurant, ça. C'est au contraire, ça, c'est plutôt des rassurants, ça. Oui. C'est pour faire de rassurant, c'est on en a tous. C'est inquiétant. Ah bah ouais, là, je tombe. Julie Gayet, vous êtes ici. Oh la vache. Et vous avez 1,26. Ah, c'est énorme. Ouais. C'est moi qui en ai le plus. Bah, je suis obligée. Je mange pas beaucoup bio, je mange pas très bio. Donc, ça, c'est assez. Vous allez peut-être changer. C'est fou. Je vais changer tout de suite, hein, je vous le dis. Bon, bah, merci. Ben, je sais pas si je dois vous dire merci quand même. Désolée. Voilà un extrait d'envoyé spécial consacré au glyphosate avec ce fameux glyphotest. Alors je me retourne vers vous évidemment, Pierre-Antoine, puisque vous êtes co-rédacteur de la tribune No Fake Science. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette séquence en particulier et dans ce numéro d'envoyé spécial en général ? Là, ce qui était particulièrement pénible, c'était que les chiffres qui étaient donnés n'étaient jamais contextualisés. Je crois qu'à un moment, ils évoquent le fait que ce soit des microgrammes par litre, mais à aucun moment, on va parler des seuils de dangerosité, à aucun moment, on va parler des raisons qui peuvent pousser à ça, parce qu'effectivement, si on prend dans le global, c'est plutôt inquiétant que tout le monde ait des pesticides dans son urine. Mais le fait que ce soit de l'urine nécessite de comprendre que c'est un déchet, donc c'est viré de l'organisme. Donc, du coup, si on parle pas de seuils à partir desquels les dangers sont existant pour l'organisme. On n'a rien dit. Et évidemment, le vocabulaire, le champ lexical utilisé, c'est le vocabulaire que c'est incroyable, que c'est la peur, que c'est énorme, dit Julie Gayet, que c'est inquiétant, dit Jamel Debbouze. Donc, tout est fait pour polariser uniquement sur l'émotion. Et derrière, les informations qui nous permettraient de comprendre pourquoi cette émotion existe, elle n'est pas présente, en fait. Jacques Hennen, ça vous pose un problème, ce type de traitement, qui est un traitement qui a aussi pour vocation d'alerter l'attention du grand public en utilisant bien des méthodes qui sont des méthodes effectivement peut-être populaires. D'autres diraient d'utiliser d'autres types d'adjectifs. Oui. Alors, les dispositifs ou les proclamations anti-fake news sont très à la mode et j'y souscris totalement, à commencer par le président Macron qui fait la chasse aux fake news en période électorale. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire attention. Bien sûr, je suis d'accord avec cette intention, c'est une très bonne intention. Il faut dénoncer les fausses nouvelles. Attention aux effets pervers, attention à ne pas confisquer le débat, attention à ne pas du coup censurer... provoquer une forme de tétanie globale des journalistes et aboutir à quelque chose qui serait très très très difficile. Pour moi, et pour conclure sur cette question, la science, ça s'interpelle, ça se questionne, ça s'investigue et ça se partage. Hein, voilà, ça se partage avec parfois les risques que ça comporte. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La démocratie, c'est partager le savoir, y compris quand c'est le savoir scientifique. Peut-être. Alors un mot, on va pas refaire le débat évidemment sur le glyphosate. On a déjà fait des émissions, une émission notamment à ce propos. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Estelle Dumas-Mallet, tout de même votre réaction. Vous trouvez là aussi qu'il y a une forme d'abus dans le traitement de cette question, qu'on a fait un pas peut-être un petit peu trop loin dans la pipolisation d'une question scientifique qui est plus complexe et qui d'ailleurs était développée de manière plus complexe dans l'ensemble du reportage d'Envoyé spécial. Oui, c'est vrai qu'on joue sur la peur des gens et qu'il y a souvent ce manque de contextualisation, de donner les rapports des chiffres, qu'est-ce que ça signifie, et de bien expliquer d'où ça vient et d'où viennent les données. Et ça, c'est assez problématique, c'est vrai. Il faut préciser que Envoyé spécial avait publié un démenti suite aux critiques, démenti dont on va vous mettre là aussi le lien sur le fil Twitter de l'émission. J'en cite quand même quelques extraits. Nous avons décidé d'en rester au fait incontestable. Notre glyphotest montre que toutes les personnes qui ont participé ont du glyphosate dans les urines avec des taux allant de 0,19 à 1,25 microgrammes par litre. Bon, elle donnait tout un taux de voilà de tout un nombre d'éclaircissements sur cette question. Plus généralement, Pierre-Antoine, si on dépasse le seul cas de ce reportage, pourquoi avoir décidé d'aller jusqu'à une tribune, de réunir autant de personnes pour dénoncer ce traitement qui vous semble donc bien maladroit dans le meilleur des cas, ou en tout cas parcellaire ou idéologique dans le pire ? Alors pour le coup, ce type d'usage, ce type de qui pour nous paraît de la mauvaise science, n'est pas le seul en cause. On est souvent sur des cas qui sont beaucoup moins polémiques que ça. Là, évidemment, dans la tribune, on parle de choses qui nous touchent, nous, parce qu'on connaissait ces sujets-là et on les voyait régulièrement dévoyés. Donc voilà, glyphosate, OGM, qui étaient des choses très présentes dans le débat public. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un tas d'articles qui sont presque en fait ni fait ni à faire, qui sont pas nécessairement polémiques. On peut parler de choses en astrophysique, on peut parler de choses dans des sujets qu'on voit assez peu abordés, et quand ils sont abordés, c'est fait n'importe comment. Alors soit parce qu'on va aussi faire peur aux gens, on en revient par exemple sur cet astéroïde Apophis là qui était récemment montré comme étant l'extincteur de la vie sur Terre alors qu'il va même pas nous toucher. Bon, ça a été un petit peu relayé avec des grandes emphases, c'était pénible. Donc ça dure depuis des années et des années et des années. On va voir effectivement, hein, on va essayer de comprendre cette zone grise qu'il peut y avoir entre l'actualité scientifique et son passage dans les grands titres de l'info générale. Mais pour terminer, pour conclure, en tout cas pour apporter à l'autre versant de cette polémique de l'été, il y a eu une réponse qui a été publiée dans le journal Le Monde à cette tribune, et une réponse qui vous reproche en grande partie d'avoir égrené un certain nombre de faits, un point de vue relativement parcellaire sur des sujets qui sont précisément des sujets sujets à controverse, ou en tout cas qui posent débat dans la communauté scientifique, notamment sur les OGM. Vous écrivez que les OGM ne sont pas dangereux pour la santé des êtres humains. Or, il y a d'autres problèmes qui sont liés aux OGM, au nucléaire ou au glyphosate. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Pierre-Antoine ? Nous, ce qu'on a voulu, c'est marquer des faits qui sont utilisables dans le débat public, mais qui ne le confisquent pas. À savoir, y a-t-il un consensus sur le fait que, par exemple, le nucléaire émet très peu de CO2 au kilowattheure? Oui. Est-ce que cette information peut être utilisée? Oui. Est-ce qu'elle doit résumer le débat? Absolument pas. Alors, c'est peut-être ça qui n'est effectivement pas clair. Mais vous êtes d'accord qu'il y avait tout de même une sorte d'approche réductionniste de ces questions, qui sont des questions beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes. On ne peut pas limiter le débat sur le nucléaire au fait qu'il n'émet pas de CO2. Il y a évidemment le traitement des déchets, la dangerosité implicite liée aux accidents possibles. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on a parlé de consensus. Notre tribune, elle se base sur des consensus. Est-ce que ce que l'on a marqué produit un consensus? Oui. Est-ce qu'il y a des consensus ailleurs? Peut-être, peut-être pas. Ça, il faut en débattre. On apporte juste une pierre à l'édifice. Et si cette pierre est utilisable, qu'elle soit utilisée, qu'il y en ait un millier d'autres, alors on en utilisera un millier d'autres. Mais sur le glyphosate, par exemple, vous parlez de consensus. Or, sur le glyphosate, vous savez qu'effectivement, il y a l'étude du CRIR qui dit que, enfin, qu'il n'y a précisément pas tout à fait de consensus sur la question. Donc, c'était peut-être une erreur dans votre, de lister ces sujets-là dans la tribune. Est-ce que c'était votre pas en trop de votre côté? Non, parce que pour le coup, on savait qu'on allait être clivant sur ce sujet-là. On savait qu'en parlant de risque, on allait utiliser tout ce que les agences sanitaires du monde entier préconisent. Pas tout, hein, encore une fois. Alors que le CIRC, lui, parle du danger principalement, et que cette étude, leur monographie... Le CIRC d'ailleurs, je dis le CRIR, ouais, peu importe. Le CIRC, sa monographie, parle nécessairement du danger, et derrière ce danger, une fois qu'il est contextualisé, on a les agences sanitaires qui viennent en renfort. Et là, elles sont toutes d'accord. Une fois de plus, on ne va pas refaire ce débat sur le glyphosate, parce qu'on l'a déjà fait, et c'est un débat par ailleurs passionnant, mais ça n'est pas le thème de cette émission. J'aimerais votre opinion, Estelle Dumas-Mallet, justement. Est-ce que cette tribune No Fake Science, qui dénonçait peut-être quelque chose de général, ne s'est pas un peu égaré en voulant absolument l'incarner dans des faits scientifiques qui sont tout de même des faits scientifiques, qui sont des faits, on va dire, un peu épidermiques, sur lesquels il est parfois difficile, malgré la littérature scientifique, de séparer l'opinion de la réalité de ce que décrit la littérature scientifique? Moi, je pense que c'était bien d'établir quels étaient les consensus. Et effectivement, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des consensus sur certaines choses qu'il faut établir. Et ça ne veut pas dire que ça va donner la solution directement et que le débat est clos. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas consensuelles. Moi, je voudrais aussi dire que il y a plusieurs études qui montrent, notamment dans le domaine biomédical, que le sensationnalisme et la façon dont sont tournés les articles de presse viennent bien souvent des communiqués de presse qui sont fournis par les institutions de recherche ou par les journaux scientifiques qui publient ces articles-là. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, qu'en fait, il y a une reprise et que la sensationnalisation, elle est déjà présente là-dedans. Jacques Hennen, votre point de vue ? À mon point de vue, c'est que les scientifiques eux-mêmes, souvent, ne sont, c'est tout l'intérêt de tout ça, hein, ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses, que la science est vivante, qu'elle avance, qu'elle est faite de vérités successives, et que, encore une fois, le débat, l'écriture sur la science n'échappe pas au débat. Hein, et qu'il ne faut pas l'occulter, ça serait, à mon avis, une grande erreur, et que, encore une fois, je respecte totalement l'initiative de mon camarade, mais je pense, et de nombreux scientifiques, peut-être que c'est bien de secouer et de donner un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné, c'est bien, vous dites, on a voulu taper un peu fort, ben, c'est réussi, bravo. Attention à ne pas culpabiliser, stigmatiser, empêcher de jeunes journalistes de se lancer là-dedans parce qu'ils sont tétanisés. Moi-même, jeune journaliste, j'ai fait un certain nombre de choses en médecine sciences. J'étais tétanisé face aux médecins, etc. Et au fond, faut y aller, quoi, aussi. Quand on est journaliste, faut prendre le risque. On va parler tout à l'heure des méthodes. Mais évidemment. Voilà. Alors justement, pour poser une question peut-être qui gratte un peu sur la place et le rôle des journalistes scientifiques et pas des journalistes généralistes, dans le cadre de ce débat No Fake Science, on a vu certains journalistes prendre des positions très très fermes dans un sens ou dans l'autre, et notamment prendre des positions publiquement sur ces sujets qui sont des sujets qui prêtent à controverse et qui demandent peut-être effectivement du temps d'analyse, de la complexité, un peu de finesse. Est-ce que c'est le rôle aujourd'hui, selon vous, Pierre-Antoine, d'un journaliste scientifique qu'il se travaille dans un grand titre de presse nationale ou dans une radio, de s'engager sur ces questions, sur ces controverses scientifiques? Est-ce que notre rôle n'est pas celui de passeur? Est-ce que ça ne brouille pas là aussi les cartes et la compréhension du public? Pour moi, non. Il y a une toute légitimité pour un journaliste d'avoir un positionnement. Si c'est un journaliste scientifique, on attend que derrière ses arguments soient solides et étayés. On peut très bien être contre l'usage, on va revenir sur le glyphosate, contre l'usage du glyphosate pour des raisons qui sont tout à fait bonnes. Et on peut très bien être pour en expliquant pourquoi et quelles sont les limitations de l'usage du produit, par exemple. Ça ne dérange pas. À partir du moment où être pour et contre ne va pas déformer abusivement les faits, évidemment, on est tous un petit peu biaisés. On aura tous tendance à sélectionner ce qui nous arrange un petit peu plus. Mais il y a moyen de faire des travaux qui sont le plus objectifs possible, même en ayant un a priori positif ou négatif, quelle que soit la technologie utilisée, quel que soit le produit utilisé, quelle que soit l'avancée quelconque scientifique. Donc pas de souci avec une prise de position du moment qu'elle soit étayée. Et celle du Mamalek, qu'en pensez-vous ? que c'est important qu'il y ait un esprit critique et qu'il soit aussi qu'il soit partagé avec les journalistes scientifiques, qu'ils puissent avoir aussi un regard différent d'un chercheur. Mais esprit critique ne veut pas forcément dire contestation non plus. Jacques Hennen, vous pensez que c'est le rôle des journalistes scientifiques de prendre position sur ces sujets, de trancher des débats qui ne sont pas par nature totalement tranchés par les scientifiques eux-mêmes? Alors, et comment? Mais alors, pas les trancher, mais les provoquer, pratiquer le contradictoire, d'où il ressort son nombre de choses. Et on a vu, y compris en matière de science, mais comme en politique, comme en économie, comme en société, que de ces débats sortent d'autres vérités et on avance tous ensemble. Hein. Il n'y a pas d'un côté une vérité immanente, verticale, définitive, et de l'autre des petits journalistes qui n'y connaissent rien. Hein. Il y a des journalistes qui travaillent, plus ou moins bien, mais il y en a qui travaillent très bien. Il y a des scientifiques qui ont des biais, comme vous l'avez reconnu. Il faut non pas s'opposer, mais se titiller pour que des choses sortent. Et c'est comme ça que, là, encore une fois, que la démocratie avance. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous continuons à débattre et à réfléchir autour de cette controverse estivale, autour de la tribune No Fake Science. Comment améliorer la transmission de l'information scientifique dans le sens des scientifiques vers les journalistes et plus précisément, évidemment, les médias généralistes. Nous en parlons avec Estelle Dumas-Mallet, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, avec Jacques Hennen et Pierre-Antoine de la chaîne YouTube Un Monde Riant, ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris. Alors, outre ces quelques sujets qu'on vient d'évoquer, qui sont des sujets complexes, les OGM, le glyphosate, le nucléaire par exemple, on voit bien que la passerelle entre des sujets traités par des médias spécialisés, lorsqu'ils deviennent importants et passent en gros titres de médias généralistes, en général perdent, on va dire, quelques plumes au passage. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui, Jacques Hennen, de formation des journalistes généralistes en France? Alors, oui, il y a un problème. Et je voudrais revenir à la science au sens large, hein, c'est-à-dire la vie quotidienne, la santé, l'environnement, les pesticides, les vaccins, enfin c'est gigantesque, hein, c'est notre vie quotidienne. Je trouve que c'est que cette approche scientifique est trop absente, c'est-à-dire que la science est souvent dans les journaux généralistes, hein, le cinquième wagon, hein, un excellent journaliste du Monde, s'appelle Stéphane Foucard, fait un superbe travail, mais moi j'aimerais qu'il fasse des unes régulièrement, hein, beaucoup plus encore. Et je pense que la science n'a pas assez sa place dans les médias généralistes. Alors peut-être parce qu'effectivement il y a une formation déficitaire, et ça c'est à peu près sûr. Alors à l'ESG Paris, évidemment, on essaye de combler tout ça, on tente de combler tout ça, mais que cette formation est absolument indispensable, y compris dans le sérieux, y compris dans l'enquête, y compris dans l'investigation, non spectaculaire mais factuelle, pour pouvoir traiter comme il se doit ces sujets qui sont éminemment importants et qui sont politiques, économiques, qui traversent tout, évidemment. La science traverse tout et est traversée partout. Alors, vous citez l'exemple de Stéphane Foucard qui fait par ailleurs quelques unes du Monde et donc quand je parlais tout à l'heure justement de l'engagement de certains journalistes sur des sujets, la position de Stéphane Foucard a pu être critiquée dans ses positions contre le glyphosate en l'occurrence, comme d'autres journalistes ont pu être critiqués dans leur position pro-glyphosate. J'aimerais surtout, et celle du Mamalet, vous avez travaillé sur ces questions-là, comprendre comment, et si les rédactions ne sont pas prisonnières justement par manque de connaissances et par manque de formation, à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des phénomènes d'annonce, de communication un peu sauvage, en méconnaissant finalement ce que sont les processus de validation d'un savoir scientifique et d'une publication. Alors oui, moi j'ai étudié, on a regardé particulièrement la façon dont on couvrait des nouvelles scientifiques. Donc c'est quand même un certain type de journalisme, c'est pas le journalisme d'investigation ou des gros dossiers qui sont faits. Ce ne sont que des brèves et qui sont basées sur la publication d'une étude scientifique. Et donc dans les journalistes scientifiques que j'ai pu interviewer, qu'ils soient français ou anglais, ce qui ressortait c'était que c'était pas la chose qu'ils trouvaient la plus importante et la plus valorisante dans leur travail. et qu'ils avaient une très grande confiance dans ce qui était publié par les journaux scientifiques prestigieux, puisque les études scientifiques qui leur ont été soumises ont été validées par les pairs, donc par d'autres scientifiques qui ont relu... Par des revues à comité de lecture, des revues à facteurs d'impact, etc. Mais on parle des journalistes scientifiques. Moi, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'examiner comment, précisément, quand les informations scientifiques sortent de la science du journalisme dit spécialisé, c'est-à-dire quand ils atteignent les grandes lignes de l'information, eh bien, à ce moment-là, justement, comment se fait la transition, comment se fait la retranscription finalement par des journalistes qui n'ont pas un bagage scientifique ou une formation de vulgarisateur scientifique, Estelle Dumas-Mallet? Ben après, ce que je peux vous dire, moi j'ai pas parlé avec des journalistes généralistes, mais dans les journalistes scientifiques avec lesquels j'ai parlé, tous n'avaient pas forcément une formation en sciences. Donc c'est quelque chose aussi qu'ils ont appris à force de travailler là-dessus. Donc un journal, ils disaient que le plus important pour eux, c'était d'avoir des compétences journalistiques et qu'après les compétences scientifiques, ils pouvaient les acquérir au fil du temps. Donc un journaliste généraliste devrait être armé pour d'une certaine façon pour traiter les sujets scientifiques. Après, comment est-ce qu'ils le font et quels sont les biais qu'ils subissent, ça je ne peux pas vous en parler puisque j'ai pas interrogé cette population de journalistes-là. On reviendra sur les journalistes scientifiques à proprement parler. Pierre-Antoine, la tribune que vous avez écrite, elle s'adresse d'abord aux rédactions de ce qu'on appelle l'infogéné, c'est-à-dire de l'information générale, c'est-à-dire effectivement au traitement par les médias généralistes de l'information scientifique. Oui, l'idée c'était de faire quelque chose qui soit à destination de tout le monde et en principal pour ces personnes-là au sein des rédactions. Ce qui nous intéressait, c'était difficile à formuler, c'était que le journalisme et le journalisme scientifique, c'est pas tout à fait le même métier. Il y a effectivement une opacité de la science, d'une part parce que les méthodes sont relativement peu connues à la fois des journalistes mais à la fois du grand public, des profanes dont nous sommes à 99% de cette planète, c'est des profanes en science, moi y compris hein, pour la plupart. Et il se trouve que ces mécanismes-là sont très très peu présenté dans la presse, si bien que quand un résultat scientifique est presque imposé, soit par des journaux, soit par des magazines, par exemple, on a du mal à comprendre d'où vient ce résultat. Et ce travail d'épistémologie, il est très peu présent. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on en arrive à tel résultat, à telle recommandation, et in fine à tel débat politique, et donc à quelle décision politique on a affaire. C'est très difficile d'avoir ça. On sait qu'il y a un certain nombre de tropismes, notamment dans le domaine de la santé et du biomédical, qui conduit effectivement souvent à prendre les informations scientifiques qui sont jugées concernantes pour le grand public, ce qui conduit souvent à voir fleurir des titres comme un médicament contre Alzheimer est en train d'être testé, ou contre le VIH, ou enfin peut-être un vaccin contre le VIH, etc. Et on sait, quand on est du côté de la vulgarisation scientifique, que ce sont des titres un peu épais, un peu grossiers, et qui vont être vraisemblablement démentis dans les semaines, voire dans les mois qui suivent. Comment faire, à votre avis, Jacques Hennen, pour éviter ce qui peut paraître normal au regard d'une rédaction d'information généraliste, c'est-à-dire de chercher dans la science des sujets qui vont parler directement aux auditeurs, qui vont pouvoir résonner directement avec leur compréhension du quotidien? Alors attention à l'échappement par le haut, hein, c'est-à-dire que la perfection stérilise souvent toute approche journalistique, c'est-à-dire que si je ne vais pas jusqu'au bout de démonstration, si je ne suis pas exhaustif, si je ne fais pas le tour de tout, si je ne cite pas toutes les sources, etc., je ne serai pas bon. Dans ce cas-là, de toute façon, je ne serai pas lu. Donc le journalisme, c'est un angle, le journaliste, c'est une focalisation, le journaliste, c'est une info. Alors les titres, évidemment... quand on est dans la presse quotidienne, grand public, voire populaire. Moi, je pense qu'un titre peut être spectaculaire et vrai. Voilà. Ce qui est terrible, c'est un titre... Est-ce que c'est possible, vraiment? Je pense... Est-ce que vous en avez en tête? Vous pouvez nous sortir un titre spectaculaire? Non, mais je pense, par exemple, que la découverte du virus du sida, encore que, à l'époque, y compris certains scientifiques se sont empaillés sur le sujet, mais je pense qu'il y a d'énormes faits et de grosses découvertes. Je pense qu'il y a des choses très anglaises qu'on peut affirmer de manière assez précise. Voilà. Effectivement, en matière de santé, c'est extrêmement dangereux, voire même malfaisant de créer de faux espoirs. Donc ça, c'est terrible hein, pour les malades. C'est terrible. Je voulais juste vous raconter une anecdote en une minute. Il y a une quinzaine d'années, Le Parisien, journal grand public, populaire de l'époque, a décidé de créer des pages santé médicale. Oh mon Dieu, Le Parisien, vous vous rendez compte? Et le patron de l'époque, qui s'appelait Christian de Villeneuve, on a eu une réunion, a dit « Moi, je ne veux surtout pas de médecin. » Voilà. On dit « Mais t'es fou !» Je ne veux surtout pas de médecin. Et en fait, en l'occurrence, c'était votre serviteur qui était choisi. J'étais pas médecin. Et l'idée, c'est que si jamais j'écrivais quelque chose de faux le lendemain, j'étais absolument sanctionné parce que les médecins appelaient, les patients appelaient, les spécialistes appelaient, parce qu'on avait une diffusion très très forte. Il se trouve qu'on a réussi, je dis bien on, hein, j'étais pas tout seul, à faire une rubrique extrêmement structurée, très très près des grands médecins, des médecins, des spécialistes, très très près des experts, et on faisait un travail de vulgarisation, non pas sous leur contrôle, mais avec leur assentiment. Et notre plus grande satisfaction, c'était le lendemain, quand le grand ponte nous appelait en disant « j'aurais pas écrit tout ça comme ça, mais c'est vrai, c'est bon ». Et voilà. Et je pense que ça, c'est possible. Ça, c'est du travail de vulgarisation, effectivement, dans des médias généralistes. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de journaux quotidiens qui ont des très bonnes pages scientifiques ou des pages notamment santé-médecine. On peut penser au Figaro, qui sont tout à fait remarquables. Mais un mot, Pierre-Antoine, vous comprenez bien la difficulté de cet exercice pour une rédaction de vouloir effectivement trouver du sujet que l'on dit concernant et donc d'avoir du mal à discriminer ce qui relève effectivement d'une publication ou d'une communication scientifique qui n'est pas forcément passée par toutes les étapes, qui n'est pas allée jusqu'au bout de l'essai clinique de phase 3, mais qui du coup, pour des raisons d'ailleurs en général d'affichage et avec derrière parfois même un agenda économique, annonce des résultats à grand cri sur le seuil de l'hôpital, qui sont repris et qui du coup derrière vont contribuer eh bien, à détricoter la confiance du citoyen dans l'actualité scientifique, parce qu'on dit « ah mais oui, un vaccin contre le sida, combien de fois on l'a vu, un vaccin contre le cancer, et ça n'existe pas ». Donc comment faire pour contourner ce problème-là ? Écrire moins pour écrire mieux ? Quel est le besoin systématique qu'une étude toute fraîche, toute neuve, d'un domaine qui est encore un peu débroussaillé, soit très présente dans les médias, voire à la une ? Quel est ce besoin de coller un temps journalistique à un temps scientifique qui sont nécessairement deux temps différents ? Alors, effectivement, j'entends bien qu'il y a des impératifs de rente, parce qu'on veut que ce soit lu, c'est normal. On veut qu'une rédaction tourne en termes économiques, et c'est bien normal. Oui, ou que ce sont surtout aussi des sujets concernants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose de tout à fait ingénu, ou en tout cas tout à fait honnête intellectuellement, en disant « Ah, ben je vois cette étude-là, ça m'a l'air intéressant, donc traitons-le ». Mais des études, il y en sort tous les jours. Qu'est-ce qui fait que cette étude-là particulièrement, elle soit plus intéressante pour un journaliste qui va peut-être en voir 15, 20 dans sa journée? Je pense plutôt qu'il y a un souci de recherche particulier. Certains journalistes probablement ont les yeux rivés sur un certain type d'études qu'ils mettent plus à l'antenne, ou il peut y avoir des partenariats entre différentes universités, différents labos qui vont dire, on a une espèce de chose là qui est peut-être prometteuse, on va tout de suite en parler à la presse, et c'est ce que disait d'ailleurs Estelle Dumas-Mallet. Parfois, les communiqués de presse sont eux-mêmes déjà déformés. Et donc, un journaliste, et on en revient à la différence entre journaliste et journaliste scientifique, un journaliste scientifique aura peut-être la prudence de se dire « Attention, ce communiqué de presse, il est issu d'une université qui veut peut-être se faire mousser, je vais aller moi-même voir l'étude, essayer de la détricoter », ce qu'un journaliste ne fera peut-être pas, par faute de connaissances tout simplement, parce que c'est difficile d'être journaliste scientifique en vrai. Estelle Dumas-Mallet sur cette question. Ben oui, de toute façon, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord qu'il faut peut-être écrire moins et écrire mieux, mais il y a quand même un grand phénomène du fait des universités et des journaux scientifiques de pousser cette communication. Alors, tous les journalistes que j'ai interviewés ont dit qu'ils ne suivaient pas du tout les communiqués de presse parce qu'ils étaient complètement inondés, mais d'un autre côté, paradoxalement, dans des études sur la presse anglo-saxonne qui ont été faites, il y a 90% des études qui sont sélectionnées par la presse qui ont fait l'objet d'un communiqué de presse, alors que celles qui n'en ont pas fait l'objet, ne sont moins couvertes. Donc il y a quand même aussi un agenda peut-être qui est poussé aussi du côté des scientifiques et des institutions scientifiques pour être vues, pour avoir leur publication donc, dans les médias, pour pouvoir attirer l'opinion des politiques peut-être sur des problèmes de santé et obtenir des financements, parce que les scientifiques sont toujours à la recherche de financement et que c'est très compétitif. On parlait du publish or perish, il faut publier ou mourir, voilà, ou mourir. Et maintenant, il y en a qui parlent du get visible or vanish, donc soyez visible dans les médias ou disparaissez. Donc il y a aussi une poussée peut-être du côté scientifique à plus présenter ses résultats plus tôt. Et que tous les résultats qui sont initiaux, ce qui est normal, c'est qu'ils doivent être aussi vérifiés par d'autres études ultérieures. La science, elle avance par petits pas, de résultats incertains, et après, d'autres équipes reprennent, confirment ou infirment les résultats, et c'est comme ça qu'on avance avec des faits. Et le problème, c'est que ça ne transparaît pas quand les journalistes parlent de l'actualité scientifique. science is golden, science, science, science is golden, science, science, science is golden. Science is golden, mais oui, la science c'est de l'or. Vous qui écoutez la méthode scientifique sur France Culture, vous le savez, The Greats à 16h35 dans la méthode scientifique. Nous parlons eh bien, de science, de la manière de la transmettre, et nous parlons, en revenant sur cette controverse autour de la tribune No Fake Science cet été, eh bien, nous essayons de comprendre comment faire, comment contourner les problèmes de transmission de la science, des scientifiques, vers les médias dits généralistes plus spécialement. Nous en parlons avec Estelle Dumas-Mallet qui est avec nous en duplex depuis Bordeaux et qui est chercheuse associée au centre Émile Durkheim, et ici à la Maison de la Radio à Paris avec Jacques Hennen qui est ancien rédacteur en chef du Parisien aujourd'hui en France et enseignant à l'ESJ Paris, et avec Pierre-Antoine, créateur de la chaîne Un Monde Riant sur YouTube et co-rédacteur de la tribune No Fake Science. Avant d'aller justement alors à l'ESJ, non pas à Paris mais à Lille, pour parler un peu justement de la formation des journalistes scientifiques, j'aimerais tout de même vous poser une question autour d'une autre étude qui a fait, elle, pas mal parler d'elle et qui a fait beaucoup rugir, j'imagine évidemment du côté de No Fake Science, mais pas uniquement. Une étude qui indique que les climato-sceptiques ont une visibilité supérieure de 50% à celle des scientifiques qui étudient le climat. On est là face effectivement à un autre problème qui n'est pas le problème de la titraille, pas le problème du sensationnalisme, mais le goût du clash, de mettre face à face une opinion et des chercheurs, c'est-à-dire et des résultats scientifiques. Comment faire pour, évidemment, faire comprendre au grand public que toutes les opinions ne se valent pas et que les opinions ne valent pas la recherche scientifique, Pierre-Antoine? C'est pour nous un biais très important qu'on retrouve dans le journalisme généraliste, effectivement, où il y a cette culture des deux parties. Une partie pense A, une partie pense B, et B et A s'excluent mutuellement. Alors il faut essayer de trouver un terrain d'entente, et la lettre qui en résulte serait une espèce de BA au milieu, qui serait pas très heureux. Malheureusement, il y a des débats scientifiques qu'on ne peut pas trancher. Alors si je parle de trucs qui sont très triviaux, évidemment qu'on va être d'accord. On ne va pas inviter un terre-platiste et quelqu'un de la NASA pour dire qu'à 50-50, la Terre est peut-être oblongue. Ça n'a pas de sens et ça va a priori parler à tout le monde. Il se trouve que quand des débats sont aussi tranchés que ça, et il y en a qui sont aussi tranchés, cette existence d'un consensus n'est pas du tout retranscrite dans les médias, et on va continuer d'inviter des anti-vaccins qui vont prétendre que ça marche pas contre des gens qui, eux, ne peuvent que relayer la parole scientifique. Mais de la construction journalistique, on a l'impression qu'à 50-50, bah, l'un vaut l'autre. Comment savoir qui est juste? 150 ans d'études scientifiques ou alors quelqu'un qui est arrivé depuis 2 ans et qui a vu des trucs sur YouTube? C'est difficile. Alors, vous caricaturez. Je caricature, mais ça arrive. Avoir... Je vous assure que ça arrive. Bien sûr, mais enfin, sur la question de la vaccination, là aussi, évidemment, personne ne remet en cause. Au contraire, évidemment, les bienfaits de la vaccination. On voit comment la chute du niveau de vaccination provoque la résurgence de maladies et malheureusement la mort de certains enfants. Néanmoins, on peut aussi prendre en compte l'inquiétude qui naît du côté des personnes qui doutent, qui ne savent pas, qui n'ont pas d'opinion. Et comment faire avec cette inquiétude? Comment la traiter? Il faut bien l'adresser d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, mais cette inquiétude, elle n'est pas toute seule. Vous ne vous levez pas un matin en étant inquiet. Vous êtes inquiet parce que vous entendez des signaux à droite à gauche qui vont parler à cette inquiétude. On parlait tout à l'heure des traitements journalistiques à base de titres très sensationnalistes, sachant qu'une bonne partie des personnes ne lisent pas les articles mais se basent sur les titres. Dès que vous avez un titre qui certes veut faire lire, mais qui au final est tellement émotionnel, on lit ça avant d'aller au travail le matin ou sur la pause midi rapide, on n'a pas le temps de lire, le soir on oublie, voilà, on a vu un titre sensationnaliste, on est émotionnellement impacté par ça, et bien le doute naît comme ça. Alors évidemment, ni les journalistes ne sont 100% responsables de ça, ni les scientifiques, ni les politiques, mais il y a un pot-pourri de tout ça qui se nourrit peut-être d'une attente aussi du public, mais qui va simplement la conforter. Estelle Dumas-Mallet, votre opinion à ce propos? Ben, c'est vrai qu'il y a cette tendance, parfois on le voit dans certains articles, où on va dire tout au début que les vaccins sont effectivement sûrs et que le rapport bénéfice-risque est vraiment démontré. Mais juste en dessous, en bas de l'article, on va avoir des personnes qui sont interviewées, des mères d'enfants qui ont vacciné leurs enfants et qui donnent leur opinion. Et c'est toujours les opinions négatives qui disent que leur enfant, à la suite d'un vaccin, a eu une crise d'asthme ou que cette obligation de vacciner leurs enfants leur font penser qu'elles devraient aller avoir leurs enfants à l'étranger. Et on n'a pas de... Par exemple, parce que je comprends qu'on puisse demander... Enfin, je comprends, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais à la limite, je pourrais comprendre si aussi on avait d'autres mères qui disaient « Ben moi, je trouve que c'est primordial de vacciner mon enfant pour telle ou telle raison. » Et le traitement, il est pour le coup, là, il y a des scientifiques qui disent « Oui, c'est le bénéfice-risque, on n'a pas à en douter. » Et à côté, on a le témoignage de mères qui sont inquiètes pour leurs enfants. Jacques, et du coup, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que finalement, moi, je me demande quel a été le message du journaliste là-dedans. Jacques Hélène, le danger du vox populi, du micro-trottoir, de l'opinion du quidam qui, d'un seul coup, effectivement, prend une ampleur démesurée sur des questions qui sont pourtant scientifiquement tranchées. Alors, je voudrais simplement dire que même en matière de science, il y a des citoyens. Voilà. Partout. Et qu'on ne peut pas comme ça les zapper, les mépriser, de dire qu'ils n'ont pas droit à la parole, qu'ils n'ont pas le droit de s'interroger, etc. Je prends un exemple, il y a une quinzaine d'années au Parisien, on a sorti le scandale de la clinique du sport, pour le coup c'était un titre définitif, 80 contaminations à la clinique du sport, on a pu l'écrire, c'était vrai. Il s'en est suivi que c'était une des premières grosses affaires de maladie nosocomiale. Il y a eu plein de choses. Un procès, l'Assemblée nationale qui s'est saisie du dossier. Plein de progrès dans les hôpitaux. On s'est dit, tiens, si on se lavait les mains. Si les gens qui visitaient les malades, il y a eu des organismes qui ont été créés. Bon, ça a servi. On a questionné de la même manière sur les vaccins. Bien sûr que il faut pas écrire n'importe quoi. Et moi, je suis très content qu'au fond, cette affaire de vaccin ait contraint les scientifiques à s'expliquer plus et mieux et à rassurer. Une mère de famille ou un père de famille peuvent légitimement s'inquiéter. Ils sont pas forcément manipulés. Hein, quand on injecte quelque chose dans le bras d'un enfant, ça sauve. Mais on a besoin d'explications. Pour les maladies nosocomiales, il y a eu, ça a abouti à la création d'une immense association de patients qui ont été un contre-pouvoir, je dis bien contre-pouvoir, face au pouvoir médical, et c'est très bien. Mais on peut pas tout à fait mettre sur le même plan, Jacques Hélène, les maladies nosocomiales et les problèmes liés à l'inquiétude liée à la vaccination. La question que je voulais vous poser, c'est effectivement cette tentation que l'on peut aussi comprendre pour d'autres raisons d'audience, de journalisme, de construction de débat, c'est-à-dire de donner du coup de surévaluer la valeur d'une opinion, d'un point de vue individuel par rapport au poids scientifique en face. Qui normalement, enfin, on est là pour le coup sur un vrai deux poids deux mesures. Est-ce que du coup vouloir les mettre face à face, ça n'est pas justement estomper ce deux poids deux mesures et donner l'impression que tout se vaut? Alors comme je ne veux pas dissoudre le peuple, ma question c'est si j'ai face à moi quelqu'un qui est inquiet, qui vient me voir au Parisien, je vais l'écouter. Je ne vais pas reprendre n'importe quoi, mais je vais l'écouter et je vais essayer de faire comprendre et savoir son inquiétude. Sans pour autant dire n'importe quoi. Donc, je pense que il y a une manière d'être entre les deux, c'est-à-dire être complice de la divulgation d'une fausse nouvelle et au fond transmettre une inquiétude chez un nombre de citoyens, ça me paraît légitime. Pierre-Antoine, sur ce point de vue, sur la nécessité de faire entendre justement les inquiétudes légitimes qui irriguent la société. Et pour moi, s'il y a une inquiétude légitime, c'est pas vers un journaliste qu'on va aller l'adresser. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des hôpitaux, il y a tout un tas de gens. Non, mais il faut malgré tout en rendre compte, c'est ce que dit Jacques Hélène. Mais en rendre compte de quoi? Une inquiétude qui se base sur rien, vous rendez les choses à partir de quoi? C'est ça le problème. C'est que quand on a des inquiétudes et qu'il se trouve qu'effectivement les inquiétudes sont fondées, bien sûr qu'on va en parler, mais quand les inquiétudes reposent sur du vent, parce que manifestement il y a beaucoup d'inquiétudes qui reposent sur du vent, quelle est la légitimité d'un journaliste de dire « votre inquiétude m'intéresse, je vais en faire un papier » Ben oui, mais si derrière c'est pas investigué et qu'on se rend compte que l'inquiétude elle se base sur rien, c'est bien beau d'en parler parce que clairement ça fait un sujet, mais quelle est la plus-value de l'information, elle est où là? Je vais vous la donner. Jacques Hélène, en un mot, puis j'aimerais entendre Estelle Dumas-Mallet également sur ce sujet. Je vais vous la donner. Dans l'affaire de la clinique du sport, la personne dont la femme était paralysée par une bactérie extrêmement nosocomiale, le Xenopi en l'occurrence, qui était allongée depuis des semaines, il a fait le tour des médecins, il a fait le tour de la direction de l'hôpital, et on lui a dit, il circulait, il n'y a rien à voir. Et c'est parce que des journalistes et un journal ont investigué, ont révélé, ont cherché, que tout a pété, et que finalement la clinique du sport a été condamnée au pénal, à de la prison avec sursis, si je me souviens, des amendes importantes. Donc, nier que la presse puisse faire écho aux inquiétudes des gens, à mon avis, c'est compliqué. J'ai pas dit ça. Vous prenez un exemple pour en faire une généralité, et c'est pas ce que j'ai dit. Estelle Dumas-Mallet, sur cette question, sur ce débat, sur... Moi, je voudrais en revenir sur... je comprends qu'il faille faire part des inquiétudes des citoyens, mais là, ça faisait comme... Les scientifiques disent quelque chose, et voilà ce que ressent la population générale. Et si on doit faire rendre compte des inquiétudes des citoyens, on peut aussi rendre compte des citoyens qui, eux, sont contents. Et là, on aurait dit qu'il y avait vraiment un biais de sélection. On allait sélectionner que des gens qui étaient inquiets et pas du tout des gens qui étaient positifs. Et si on veut faire passer, je trouve qu'il faudrait aussi parler des gens pour qui le vaccin et vacciner leurs enfants, c'est très important. Alors, il faut avancer évidemment dans ce débat et au cœur de ce débat, je le disais tout à l'heure, il y a bien sûr la formation des journalistes et pas uniquement des journalistes scientifiques, mais bien l'inclusion d'une part de science dans la formation dite généraliste. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette semaine de rentrée, vous avez un tout nouveau cartable qui est très beau d'ailleurs. Merci. Vous vous êtes rendu à le SJ à Lille, qui est l'une des écoles de journalisme à disposer d'une spécialité scientifique depuis plus de 25 ans. Oui, il s'agit d'une formation en partenariat avec l'université Lille 1 d'une durée d'un an et qui accueille chaque année une quinzaine d'élèves d'un niveau Bac plus 4 minimum. Nadège Joly est journaliste scientifique et coordinatrice du festival Pint of Science à Lille. Olivier Abalin est également journaliste scientifique et il était jusqu'à cette année le responsable pédagogique de la formation, une fonction qu'occupe désormais Alexandra Pienne, que vous entendrez au début de cet entretien. Tous les trois ont suivi la formation de journalisme scientifique à l'ESJ Lille et nous parlent des grands enjeux d'un tel diplôme entre regain d'intérêt pour le savoir scientifique et respect des résultats établis par les chercheurs. Je pense que le point clé, c'est justement ce double cursus partagé entre l'université de Lille et l'ESJ, c'est-à-dire que l'ESJ, de par ses enseignements, en fait, va proposer vraiment une formation journalistique complète sur le métier de journaliste, la recherche d'informations, l'écriture, voilà. Et parallèlement, il y a tout un pan d'enseignement via l'université qui va ouvrir plutôt sur l'histoire des sciences, l'épistémologie, donc, mais aussi tout ce qui est sciences et société. Et donc, cet ensemble, en fait, constitue vraiment une richesse d'enseignement, je pense, qui est vraiment propre à ce master-là et qui crée des profils qui sont finalement relativement originaux par rapport à d'autres formations. À quel défi aujourd'hui ce master répond et quelles sont, selon vous trois, les principales attentes, problématiques auxquelles cette formation doit répondre ? Alors le défi, qui est le défi qui est déjà posé à tous les journalistes et pas que les journalistes scientifiques, c'est que tout le monde peut être journaliste. Alors ça, c'est vieux comme le journalisme, mais c'est vrai que ça a été renouvelé avec l'arrivée des réseaux sociaux et les contenus qui sont produits par des particuliers très bien informés parfois et qui savent mettre, qui savent vulgariser et même aller au-delà avec des points de vue sans être passé par une école et sans même forcément être affilié à un média en particulier. Notre défi là-dedans, c'est de faire de ça une force, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est de faire de cet intérêt pour le journalisme et de cet intérêt pour les thématiques scientifiques dans l'actualité, d'en faire une force. On est confronté, on a eu un souci en France, il y a une vingtaine d'années, lié au fait qu'un certain nombre de rédactions, lorsqu'il y avait, en voyant les chiffres de vente se casser la figure, lorsqu'il y avait des économies à faire, en pratique les faisait en laissant partir des journalistes scientifiques, certains chevronnés qui partaient en retraite, et en ne les remplaçant pas. Parce que les patronnes et patrons de rédaction, venant eux-mêmes de sciences humaines, trouvaient que la science c'était intéressant, mais que c'était probablement pas pour eux un vecteur d'audience. Et il y a une dizaine d'années, il y a un renversement qui s'est produit lorsque ces patronnes et patrons de rédaction ont commencé à regarder les chiffres d'audience sur Internet. Avec aujourd'hui une audience en temps réel pratiquement, qui leur permet de voir quels sont les articles qui ont le mieux marché sur l'année, mais aussi sur la journée. Et très concrètement, on revient un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les articles qui intéressent le plus les lecteurs d'un média généraliste, hein, que ce soit l'Express, Le Monde, 20 minutes, ça va être des faits divers, oui, du people, oui, la politique, les petites phrases parfois, et quatrième source d'intérêt majeur, le sport, cinquième, la science. Dans toutes les écoles de journalistes, il n'y a pas nécessairement de formation au journalisme scientifique. Alors, est-ce qu'on estime qu'un journaliste, quel qu'il soit, sera bon, quel que sujet qu'il traite, ou est-ce qu'il faut nécessairement une formation au journalisme scientifique telle que vous la proposez ici ? Dans la formation au journalisme scientifique, on va à la fois faire en sorte que nos scientifiques de formation sachent utiliser ce qu'ils savent faire mieux que les autres, c'est-à-dire qu'ils sont familiarisés, quand on parle de transition énergétique, avec le kilowattheure et les chiffres de la transition énergétique. Ils ne sont pas déstabilisés par une échelle logarithmique, ça peut peut arriver à n'importe quel autre journaliste, je suis d'accord, hein, et y compris aux journalistes scientifiques, mais voilà, eux normalement doivent avoir ça en eux, savoir traiter les biais statistiques qui peuvent être observés sur une étude, et par ailleurs ils vont savoir aussi, c'est ce que leur apporte l'université, contextualiser, c'est-à-dire voir dans quel contexte ce projet de recherche a été mené, pourquoi on recherche là-dessus et pas sur autre chose. Ce sont des questions qu'on se pose pas forcément naturellement quand on n'est pas scientifique de formation, et c'est aussi un petit peu ce qu'on essaie d'apporter. Et dans une période où y compris des scientifiques vont parfois produire des informations faussées ou parcellaires, c'est important de pas se laisser manipuler, et c'est pour ça que c'est important de s'y former. Au-delà de cette importance d'avoir un cursus scientifique, enfin journaliste scientifique, pour comprendre ce qui se passe autour de nous et traiter l'info, je pense que c'est aussi important d'être journaliste scientifique sorti d'une école telle que l'ESJ pour la relation qu'on a avec le chercheur. Parce que en fait, le chercheur a aujourd'hui cette peur que son information soit malmenée par les médias. La confiance envers les médias a vraiment chuté aujourd'hui. Le chercheur a peur lorsqu'on parle avec lui, à chaque fois il nous dit: est-ce que j'aurai le droit à une relecture? Est-ce que vous êtes sûr, vous avez bien compris? Et du coup, lui dire, bah, moi j'ai un master chimie par exemple, etc., j'ai fait l'ESJ, voilà, on m'a enseigné toutes les méthodes pour que tout se passe bien. Donc voilà, soyez rassurés. Ça donne ce gage de confiance avec le chercheur. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien ou mal, c'est juste que ça apporte un peu de confiance et ça rassure. Voilà le reportage du jour dans cette formation de journalisme scientifique à l'ESJ à Lille. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Estelle Dumas-Mallet? Je trouve que c'est très important, effectivement, de savoir démonter une information parcellaire ou qui serait faussée. Mais je pense que ce qu'il est très important de se rappeler, c'est la méthode scientifique, comment elle fonctionne, qu'on part donc de savoir identifier à quel niveau d'une étude on en est. Pas simplement le contexte de pourquoi on a fait l'étude, mais aussi à quel niveau on en est. Est-ce que ce sont les balbutiements, ou est-ce que c'est déjà quelque chose de bien établi pour pouvoir nécessairement rendre compte? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours, savoir où on en est dans la recherche sur ce point en particulier. Peut-être, c'est intéressant parce que là, on parle de formation de journalisme scientifique. Jacques Hélène, est-ce qu'il faut aujourd'hui, compte tenu également de l'évolution de notre société, de la place de plus en plus grande que prennent les sciences et de la nécessité de comprendre le monde aussi à travers ce biais scientifique, est-ce que ça veut dire qu'il faut, dans les formations généralistes, inclure un module science comme on peut inclure des modules sport ou économie ou politique? Alors d'abord, sur le fond, moi, je pense que la science est aussi importante que la politique, l'économie, la société, le sport, etc., etc., la culture, c'est aussi important. Et deuxièmement, je pense que un bon journaliste scientifique, alors c'est peut-être mon biais à moi, hein, mais c'est d'abord un bon journaliste, c'est-à-dire un journaliste qui enquête. Donc je pense que le travail d'enquête, d'investigation sérieuse, facts and figures, comme disaient les Américains, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ESJ Paris, extrêmement factuel. Qu'est-ce que c'est qu'un fait? Comment on le met en perspective? La multiplication des sources, pourquoi, etc. Oui, ça peut être une formation, j'allais dire polyvalente, qui peut permettre d'être un bon journaliste scientifique. Voilà. Après, on a une culture scientifique, c'est que il faut lire, il faut se passionner, il faut savoir... Alors, il y a un vrai cours à faire sur la bonne vulgarisation. Hein. La mauvaise vulgarisation, c'est: j'ai une omelette, je coupe les deux bouts de l'omelette et je donne le milieu parce que ça ira. Non, la bonne vulgarisation, c'est que je vais jusqu'au bout de la démonstration avec les mots qu'il faut. Je voudrais citer simplement Hubert Reeves ou les pères de la vulgarisation qui sont extraordinaires pour moi quand j'étais gamin, parce que ils expliquaient des choses très très compliquées, hein, pourquoi la nuit est noire par exemple, en termes très simples, ils allaient jusqu'au bout de la démonstration avec des images, voilà, etc. Donc, Et puis il y a la méthode scientifique, évidemment. Bien sûr, la méthode scientifique. Allez hop, tu as un petit coup de brosse à reluire discrètement. Voilà, et moi aussi je suis passionné de cosmologie donc et des trous noirs. Donc oui, les méthodes, c'est l'investigation, l'enquête, la vulgarisation intelligente et la culture, évidemment. Pierre-Antoine, au nom peut-être de ce collectif qui est devenu No Fake Science aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous pouvez avancer pour permettre, encore une fois, on ne parle pas de formation à proprement parler, il y a un débat assez vif sur la formation des journalistes scientifiques, doivent-ils suivre ou non une formation scientifique qui est en train de se tenir sur Twitter, et c'est assez passionnant à lire en parallèle. Je vous invite à vous abonner au fil de la méthode scientifique @laméthodefc, mais aujourd'hui, en dehors de la formation des journalistes scientifiques, quelles sont les solutions que vous préconisez pour faire en sorte que l'information scientifique soit mieux traitée dans les médias généralistes? Alors, les solutions Par le biais de notre collectif, nous, on a un ensemble de choses qu'on aimerait mettre en place. La première, c'est donc faire de la curation scientifique, parce qu'il existe de très bons journalistes scientifiques qui produisent de très bons articles, et nous, on va essayer de leur donner une visibilité supplémentaire, parce que c'est du bon travail, en expliquant pourquoi c'est du bon travail d'ailleurs. C'est pas juste parce que les conclusions nous plaisent, mais c'est parce que la méthode employée, parce que le cheminement nous paraît très correct. Autre chose, on va attaquer également des interviews de journalistes et de journalistes scientifiques, et peut-être de scientifiques eux-mêmes, pour savoir ce qui, eux, leur pose problème ou leur va dans le traitement, quelles seraient leurs idées d'amélioration. Et si des journalistes ou journalistes scientifiques veulent nous contacter pour avoir des informations, pour avoir des contacts avec des scientifiques, parce que nous-mêmes, au collectif, il y a quelques scientifiques parmi nous, mais on a surtout des contacts en sciences physiques, en sciences biologiques, en sciences sociales telles que sociologie, histoire, on a des contacts. Donc on peut mettre en lien des journalistes qui se posent des questions légitimes sur la difficulté de traiter un sujet, par exemple, avec des personnes dont c'est le métier. Voilà, vraiment. Donc, vous craignez pas, petite question un peu provocatrice, j'espère que vous me pardonnez, vous craignez pas un peu le côté Pravda, dire ah voilà, ça c'est du bon journalisme, de donner des bons points en disant ça c'est du bon journalisme, ça c'est du mauvais journalisme? Si, bien sûr, c'est pour ça que ultimement tout ce qu'on proposera, ce sera notre opinion, mais on va essayer de l'étayer au maximum. Il n'est pas question de dire qu'on va créer un consortium de je ne sais quoi qui va sanctionner les mauvais traitements, mais de dire justement voici ce qu'est un bon traitement et voici pourquoi on pense que c'est un bon traitement. On va pas juste décerner des bons points sans expliquer notre opinion. Si on n'explique pas, c'est fini, évidemment. Estelle Dumas-Mallet, quelles sont les solutions justement pour améliorer encore et pour aider à rendre plus fluide ce passage de la case actualité scientifique à la case gros titre ou infogéné? Ben, je pense déjà que c'est important donc de garder en mémoire donc cette fameuse méthode scientifique, comment on arrive à un résultat fiable. Ensuite, la JSPI, l'Association des journalistes français, des journalistes de la science et de la presse d'information, il propose un échange tous les ans où un chercheur va dans une rédaction et le journaliste va dans un laboratoire. Et je pense que ça c'est important aussi pour voir un peu comment ça se passe les choses sur le terrain et pour le scientifique et pour le journaliste. Et ce dont parler Pierre-Antoine, ça ressemble un peu à ce qui existe au Royaume-Uni, qui a un Science Media Center, où justement c'est leur rôle, c'est de sélectionner ou d'expliquer mieux les communiqués de presse, de les mettre à disposition des journalistes qui peuvent les prendre ou pas, leur poser des questions ou pas, mettre en relation des scientifiques avec les journalistes s'ils ont besoin d'experts, et pour les scientifiques qui ont envie de participer au dialogue au sein des médias, de leur donner une formation pour pas qu'ils aient peur et qu'ils s'engagent sereinement. On peut citer aussi des initiatives comme celle en général du CNRS ou des grands instituts de l'INSERM, oui, aussi, qui, quand il y a des grosses actualités, envoient dans les boîtes mail des listes d'intervenants qui ont été prévenus et qui sont des interlocuteurs en général de très bonne qualité pour aider et accompagner le travail des journalistes scientifiques et des journalistes d'info générale. Merci beaucoup à tous les trois, c'était un débat passionnant à voir. Merci beaucoup Estelle Dumas-Mallet, merci Jacques Hennen, merci Pierre-Antoine, merci à nos camarades de France Bleu Gironde pour le duplex depuis Bordeaux, merci évidemment comme chaque jour à la formidable équipe de la méthode scientifique, scientifique et non scientifique, puisqu'il y a des deux dans notre équipe. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Nagatsin-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation et Clément Daté à la technique. Demain, c'est notre premier vendredi science-fiction de cette quatrième saison de la méthode scientifique. Rentrée littéraire oblige, nous recevrons deux auteurs qui publient en cette rentrée leur nouveau roman, Virginie Tournet pour Civilisation 0.0 aux éditions Glyph, et le sulfureux Jean Barret qui, après Bonheur TM nommé au Grand Prix de l'Imaginaire, revient avec VTM. C'est au Bélial, ce sera tout, eh bien, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.